bien trop grand d'avoir trop vu et les pieds nus, d'avoir trop couru après les nuages, après les colombes. Tous les deux on se ressemble, on a besoin de bouger de temps en temps contre le vent, de changer de genre, de prendre le temps si on veut de refaire le monde. Viens là-bas au bout des rails, jusqu'à ce que le train s'arrête. Viens, il faut que l'on s'en aille, il faut le faire ce fameux voyage. On promet toujours aux enfants bien sages, et qu'ils ne font pas, avec moi tu le feras. Comme les oiseaux d'octobre, nous vous laissons notre nid dans la maison, et nous n'en portons que quatre chansons. Plus on est léger pour voler plus loin au vent. Viens là-bas au bout des rails, jusqu'à ce que le train s'arrête. Viens, il faut que l'on s'en aille, il faut le faire ce fameux voyage qu'on promet toujours aux enfants bien sages, et qu'ils ne font pas, avec moi tu le feras. Tous les deux comme des oiseaux d'octobre, nous vous laissons notre nid dans la maison, et nous n'en portons que quatre chansons. Plus on est léger pour voler